Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'incendie criminel du cinéma Saint-Michel à Paris le 28 septembre 1988. Violence, cris, bagarres, bombes lacrymogènes, manifestations, menaces et intimidations. Incendie d'un cinéma à Paris, mais aussi des heurts dans de nombreuses villes. 13 blessés en tout et 2 morts. En cette année 1988, les catholiques et pas seulement les intégristes descendent dans la rue. Ils descendent crier leur haine contre un film qu'ils n'ont même pas vu pour la majorité, mais qui, d'après eux, est blasphématoire. L'extrême droite les rejoint très vite et le problème du film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ, puisqu'il s'agit de lui, bascule alors du religieux vers le politique. Mais que se passe-t-il donc dans ce pays laïque qu'est la France? Quelle folie s'empare de ceux qui se revendiquent d'une religion d'amour et de solidarité? Quelles idées terribles viennent hanter les salles obscures? Enfin, pour quelle raison la France chrétienne veut-elle entrer en guerre contre le cinéma? Notre invité aujourd'hui, François-Guillaume Lorrain, écrivain, journaliste, critique cinéma au journal Le Point. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot et Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chélius et Coy Nguyen. À la technique aujourd'hui, Serge Villiers, Enzo Labori. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Une Saint-Barthélemy du cinéma, selon l'expression du radical de gauche Émile Zuccarelli. Une atteinte à la liberté d'expression pour le Parti Socialiste. Jésus. Le sujet, c'est la vie de Jésus avec un autre regard que celui des évangiles, une autre façon d'envisager le Christ que celle que l'on nous a enseignée. Regarde. Est-ce un film choquant ou pas? Pas du tout. Le feuilleton du scandale continue autour du film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ. On a reçu une lettre de menace. Ça dépasse ce que je pouvais imaginer. On peut comprendre que des gens aient des réactions. Mais avoir une réaction, c'est une liberté. Empêcher que d'autres aient d'autres réactions, c'est le contraire d'une liberté. Alors je crois qu'il est temps, à partir de ce film et des événements graves qui l'entourent, qu'il y ait une réaction en France. Faut pas tolérer ça. Encore une fois, pourquoi la France chrétienne entre-t-elle en guerre contre le cinéma? Au nom d'une lecture des évangiles qui serait sacrilège? Ou bien parce que la sortie de ce film américain, La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, est une aubaine pour imposer la censure et un ordre moral qu'on croyait relégué au rayon des mauvais souvenirs de la France pétainiste? Dès sa sortie aux États-Unis, le film avait également provoqué des manifestations, mais jamais, jamais l'Église américaine ne s'est associée à ces anathèmes, au contraire. Le révérend Robert Lee, luthérien, après avoir vu le film, questionne dans le Los Angeles Times « N'est-ce pas ce que font tous les prêtres dans leurs sermons le dimanche? Ne traitent-ils pas également de la lutte intérieure du Christ? Le réfuter ne revient-il pas à réfuter au Christ toute dimension humaine ?» La France de cette époque-là est médusée face à cette intolérance religieuse. Elle n'a pas fini de l'être jusqu'à aujourd'hui. L'actualité avec d'autres religions, d'ailleurs, nous le rappelle de façon récurrente. Je suis scandalisé, on ne peut qu'être scandalisé, parce que c'est la liberté d'expression qui est mise en cause. Quand il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou contre le film, il s'agit de savoir qu'on brûle, hein, on brûle des salles, on brûle des films. Il faut se souvenir qu'en Allemagne, on a commencé par brûler des livres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, c'est un scénario écrit par Paul Schrader, d'après un roman de Nikos Kazantzakis. Martin Scorsese, cinéaste catholique et hanté par la passion et le thème de la rédemption, cherche une histoire sur le Christ à travers une lecture originale des évangiles. Alors il propose ce scénario à deux producteurs d'Hollywood et une compagnie, la Paramount, qui accepte et sont prêts à le financer. Mais le projet rencontre des difficultés, déjà d'ordre politique et moral. Des parties du scénario ont été diffusées sous le manteau. Un gros exploitant possédant un vaste réseau de salles annonce qu'il ne passera pas dans ces salles un film qui pourrait mécontenter ou heurter une fraction de la population. C'est que la majorité morale s'agite. Les fondamentalistes chrétiens, sectes protestantes, font monter la pression à coups d'insinuations antisémites, de manifestations, pétitions, processions et nuits de prière. Et ils parviennent à faire reculer les producteurs et les studios. Finalement, c'est Universal qui reprend le projet, au dernier moment. Scorsese décide de se tourner vers l'Europe, et plus particulièrement vers la France, pour chercher des fonds complémentaires afin de commencer le tournage du film. À Paris, le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, et le producteur Humbert Balzan sont prêts à accompagner le projet. Nous sommes en 1985. Très peu de gens ont lu le scénario, et pourtant, en France, le ministre reçoit plus d'un millier de lettres émanation des réseaux intégristes, dont voici un exemple. Par ma plume, c'est la peine du ciel et de la terre qui se manifeste pour vous dire son horreur devant le projet du film de Martin Scorsese. Il faut que votre âme soit bien noire et basse. Redressez-vous, appelez à votre secours. Des gens comme vous ont été rachetés par le sang de l'agneau immolé. Dieu vous aime malgré vous, il attend de vous un retour. Si on fouille un peu, on peut y voir de belles choses. Si vous savez ce qu'on est bien au paradis pour l'éternité. Parce que l'enfer, c'est l'horreur, et vous serez condamné. Signé Irène A. D'autres lettres sont encore plus violentes et parlent de sacrilège, du démon de la fornication, d'une infamie blasphématoire. Un vrai déluge qui a commencé à la mi-décembre 85 et qui se poursuit jusqu'au mois de mars 86. Partie des États-Unis, cette cabale est passée par Dijon. Oui, Dijon, d'où vient la plupart du courrier d'une communauté religieuse de la ville, la communauté évangélique des Sœurs de Marie. Polémique autour du dernier film de Martin Scorsese et La dernière tentation du Christ. Plus de 10 000 personnes ont manifesté hier à Los Angeles pour demander qu'il soit retiré des écrans. Ils lui reprochent notamment une scène où, dans un rêve, le Christ est présenté faisant l'amour avec Marie-Madeleine. Polémique également en France, où les catholiques traditionalistes se montrent les plus virulents. Le comité Chrétienté Solidarité en particulier, il appelle tous les Français à se mobiliser afin que ne soit pas diffusé un spectacle aussi blasphématoire et provocateur. Jésus, je suis celui que tu attendais. Souviens-toi. Regarde mes seins. Bienvenue, Jésus. Jésus. Voilà un phénomène qui ne concerne au départ que des réseaux particuliers, une branche du monde protestant, les cercles évangéliques et charismatiques. La hiérarchie catholique, elle, n'entre en jeu que tardivement. Deuxième curiosité, c'est une branche alors peu connue et conservatrice du monde évangélique qui va se charger de l'impulser, car tout les inquiète, ces militants. La musique, le disco, les vidéoclips, la sexualité, certaines publicités. Le film de Scorsese révèle pour eux du satanisme. Alors tant pis si on n'a pas lu le scénario, il n'est pas terminé. Tant pis si on ne l'a pas vu, il n'est pas encore tourné. Tant pis si ces inquiétudes ne reposent que sur des rumeurs. Mieux vaut passer à l'offensive. Dont acte. Le problème, c'est que cette croisade des milieux intégristes rejoints par l'extrême droite prendra des formes violentes. En même temps, on a rarement vu des croisades pacifiques. Trois ans plus tard, en septembre 1988, quand le film sort sur les écrans français, l'intolérance, la haine et la censure s'en donnent à cœur joie, comme pendant les heures les plus noires de l'histoire de France. En attendant, en ce mois de mars 85, Jack Lang annule les subventions et le film de Scorsese se retrouve sans aucun soutien financier. Décision qui offre à l'épiscopat français qui était monté au créneau une victoire sur un plateau. Oui ou non, l'épiscopat français a-t-il fait pression au plus haut niveau sur Jack Lang, le ministre de la Culture, pour qu'il annule les subventions qu'il comptait, paraît-il, donner à la réalisation d'un film sur le Christ? Le plus haut niveau, en l'occurrence, ce serait Mgr Lustiger, le cardinal archevêque de Paris, mais à l'archevêché, on se refuse à démentir ou à confirmer. Dans une lettre adressée au père Di Falco, qui est le responsable de Chrétien Média, l'organisme qui s'occupe des rapports entre l'Église et la radio, la télévision, la publicité, le cinéma, etc., Jack Lang a déclaré qu'il n'avait pas à se déterminer en fonction de critères moraux et qu'il ne voulait reconnaître que la liberté de conscience. Mais apparemment, on ne sait pas encore très bien s'il a renoncé ou non à son projet de subvention. Toute chose vient de Dieu. Toute chose a deux sens. Jésus, oh mon doux Jésus, je te pardonne. Quitte-moi! Quitte-moi! Nous sommes maintenant début août 1988. Martin Scorsese a terminé le tournage et le montage de son film La Dernière Tentation du Christ. Bien sûr, des manifestations devant les studios ont lieu, des menaces sont proférées contre les salles qui le diffusent aux États-Unis, mais le film sort le 12 août dans les principales villes américaines. Pour une fois qu'Hollywood investit dans un film d'art et d'essai plutôt que dans Sylvester Stallone, le tonnerre gronde à travers tous les États-Unis. La Dernière Tentation du Christ a déclenché une tempête hystérique digne des sorcières de Salem. McCarthy, après tout, n'est jamais bien loin dans un pays qui hésite en permanence entre les vertus du premier amendement à la Constitution et l'intolérance congénitale. Tout ce que compte l'Amérique de vrais croyants et de vrais zélotes, c'est jeter un belles dents sur le film hystérique, sur son réalisateur, ses acteurs et surtout sur la compagnie productrice Universal, accusée d'être gérée par des juifs, tentant 2000 ans plus tard de faire un sort au Christ. Les manifestations bruyantes se succèdent devant les quelques salles de cinéma éparpillées dans 8 grandes villes qui ont le courage actuellement de projeter le film. L'Église, choquée, essaie de conserver son sang-froid tout en faisant savoir, bien sûr, que le blasphème est sans appel. Dieu est un esprit immortel qui appartient à tous, au monde entier! La Dernière Tentation est présentée au Festival de Venise. Son président défend son choix, bien sûr. C'est une œuvre pleine d'amour et de foi, dit-il, et en cela, elle est très différente du film Je vous salue Marie de Jean-Luc Godard, qui lui aussi avait provoqué une polémique, mais limitée. Scorsese, lui, prend très cher, dès le début. Pire encore, il est trahi. Les attaques arrivent même d'un cinéaste, Franco Zeffirelli. Ça fait mal. Aussitôt, le film programmé à Venise, le cinéaste italien lance une piteuse polémique et critique violemment les producteurs américains. Cette chienlit culturelle juive de Los Angeles, toujours à l'affût d'une occasion de frapper un coup contre le christianisme, proclame-t-il. Scandale. Accusation ouvertement raciste. Zeffirelli nie l'avoir prononcé et affirme avoir été victime de la malveillance d'un journaliste qui a mal retranscrit ses propos. On a déjà entendu ça quelque part, non ? Le cinéaste italien avoue enfin ne pas avoir vu le film, mais il se dit absolument certain qu'il s'agit d'une œuvre horrible, ennuyeuse et truquée. Le mal est fait, le venin antisémite se répand et déjà des relents de théories d'extrême droite se font sentir. Pourtant, le film est diffusé pendant le Festival de Venise et les bienfaits de la lagune semblent apaiser la polémique. Finalement, c'est peut-être beaucoup de bruit pour rien. Les catholiques intégristes vénitiens appellent à un rassemblement cet après-midi, en fin d'après-midi, place Saint-Marc, pour faire une marche, pour essayer d'empêcher la projection. Mais je ne crois pas beaucoup à la violence de ces sentiments. Ce sont des intentions qui se manifesteront peut-être par une présence de ces gens, mais je ne crois pas que cela soit très violent. Cela m'étonnerait beaucoup. Alors c'est en France que la polémique rebondit. Alors que le film a été tourné et doit prochainement sortir sur les écrans français, les cardinaux Albert de Courtrai et Jean-Marie Lustiger, pourtant traditionnellement tolérants, protestent par avance contre la diffusion d'une œuvre qualifiée par eux de blessure pour la liberté spirituelle de millions de chrétiens. Mais la hiérarchie catholique est très vite prise de vitesse par des groupes intégristes très organisés et qui agitent leur réseau, une sorte de mobilisation générale. Alors pour ne pas perdre la main, peut-être, et éviter les dérapages, sûrement, le père Di Falco monte au créneau, espérant ainsi calmer les ardeurs guerrières des franges les plus extrémistes de l'Église. Pour moi, ce film est une imposture, parce que il présente un personnage qui n'a rien à voir avec le Christ. C'est un véritable délire autour du Christ. On oscille entre Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Superman et puis je ne sais qui encore. On a affaire à un hystérique, à un schizophrène. Donc c'est une accumulation de visions du Christ qui pour moi déforme tout à fait son visage, ce qu'il est. Et je pense qu'il était tout à fait normal eh bien, que les cardinaux parlent avant même d'avoir vu le film. Malheureusement, ce que je viens de voir me confirme qu'ils ont eu raison de le faire. Je souhaite que ceux qui malheureusement verront ce film eh bien, ne soient pas blessés dans leur foi comme déjà certains le sont. Le Messie ne viendra pas par ce chemin. Jésus. Mais les groupes extrémistes chrétiens continuent sur leur lancée et déclenchent une guérilla intégriste à coups de traques, matraques et attentats. Ils menacent les files de spectateurs, empêchent les gens de rentrer, pris devant les salles. Arrivé enfin aujourd'hui sur les écrans du film Scandale de Martin Scorsese, plusieurs manifestations auront lieu à Paris à l'initiative de l'association familiale chrétienne. À Aix-en-Provence, la dernière tentation du Christ sera tout simplement censurée. Le député maire, qui reconnaît ne pas avoir vu le film, a pourtant décidé d'en interdire toute projection publique. Dans l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, réputée pour ses positions intégristes, un abbé de choc fustige le film, je le cite. « Je n'irai pas le voir, ce serait un péché, ils disent des atrocités sur notre Seigneur, des mensonges lamentables. Alors nous, les soldats du Christ, nous devons faire taire les insultes dont est victime celui que nous vénérons. » Oui, les soldats du Christ. Les Templiers s'étaient autoproclamés, eux aussi, soldats du Christ, il y a plus de 700 ans. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu, il est né à San Francisco. Oui, Jésus, Jésus qui est un hippie. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 33 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Oh Jésus, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ est un hippie. Oui Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ est un hippie. Une chanson ou un film, il n'en faut pas plus, quelquefois, pour déclencher une guerre sainte. Jésus. Le 20 septembre, trois associations religieuses assignent la dernière tentation du Christ devant le tribunal de grande instance de Paris et cinq juges siègent à l'audience exceptionnellement. Les associations chrétiennes veulent faire interdire toutes les projections. C'est le procès de Satan, s'insurge Christian Soulier, l'avocat de la société distributrice. En fait, il veut montrer que la scène la plus litigieuse, où le Christ a une relation avec Marie-Madeleine, a en fait un caractère onirique, évident même, et il ajoute « C'est un rêve inspiré par Satan, Jésus est toujours sur la croix, le principe même de la tentation du Christ n'est pas scandaleux, il existe dans les évangiles. » Et l'avocat de la LICRA, maître Joanneau, habitué des joutes oratoires contre les révisionnistes ou le Front National, conclut, caustique, en somme, il s'agirait d'une atteinte à l'intégrité de l'œuvre que constitueraient les évangiles. Mais enfin, de qui êtes-vous les héritiers? Ce procès que vous engagez aujourd'hui est un procès de droit d'auteur. Le tribunal civil rejette les demandes formulées en référé par les trois associations religieuses. Le film ne sera pas interdit. Mais les extrémistes ne désarment pas. Leur lutte va prendre une nouvelle ampleur, cette fois dans la rue. Les catholiques parisiens descendent dans la rue pour manifester leur inquiétude devant le film de Martin Scorsese et protester publiquement contre cette offense faite à leur foi. En ce 28 septembre, jour de la sortie du film, trois manifestations sont prévues. L'une est organisée par les prêtres du Sacré-Cœur de Montmartre. Elle est soutenue par Monseigneur Lustiger. L'autre est organisée à l'Odéon. La communauté de Saint-Nicolas du Chardonnay s'y associe. La troisième, à l'Opéra, à l'appel du groupe chrétien Solidarité. Très organisés, ces groupes prennent la tête de la révolte et construisent une opposition féroce. Ils seront rejoints par l'extrême droite. La hiérarchie catholique, elle, sera très vite dépassée. Manifestations, cocktails Molotov, bris de glace, jets de gaz lacrymogènes, destruction de fauteuils, lettres anonymes, menaces téléphoniques, tout est tenté pour empêcher que le film soit vu. 13 personnes sont interpellées, poursuivies pour violence à agents de force publique et port d'armes comme des matraques ou des frondes. Même chose en province, à Angers, où deux jeunes filles jettent de l'acide sur des fauteuils de cinéma, ou encore à Aix-en-Provence, où le maire interdit le film. Sur Radio Courtoisie, soutenue par les associations intégristes et l'extrême droite, l'éditorialiste recommande à ses auditeurs de faire attention à ne pas se blesser en tailladant à coups de cutter les sièges de cinéma projetant le film de Scorsese. Une invitation on ne peut plus directe à passer à l'acte. En province, plusieurs villes sont touchées, Nancy, Toulouse, Nantes, Strasbourg, et partout, c'est la même violence, partout, la même intolérance. Passé en 15 jours n'était pas prévisible le 28 septembre. Je veux dire, personne n'allait imaginer que les choses allaient prendre cette tournure inquiétante. Personne n'allait imaginer que des salles allaient brûler, que des caisses allaient exploser, qu'il y aurait constamment des alertes à la bombe et des gaz lacrymogènes, des boules puantes mises dans les salles et dans les halls. Ça veut dire que, à contrario, ce report dans la programmation en Alsace-Lorraine vous aura permis de prendre un peu de recul? Tout à fait. Ça nous aura permis de voir à quel point une situation peut se dégrader. Et donc, ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles. Rendez-vous compte, 17 salles programmaient le film à sa sortie le 28 septembre. Le 19 octobre, il n'est plus visible que dans 2 salles parisiennes. Romain Marie, du Front National, appelle ses troupes à saisir la bobine par tous les moyens, à la détruire, à lancer des bombes fumigènes dans les salles. La guerre à la liberté d'expression est déclarée. Et ses partisans passent à l'acte. Un début d'incendie endommage le Gaumont Opéra. Les exploitants du cinéma Saint-Michel, à leur tour, sont menacés. Vous verrez bientôt le second épisode du film. On ne saurait être plus clair. De fait, un incendie d'origine criminelle ravage le cinéma dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre. Il y a 14 blessés. Le feu a pris naissance sous un fauteuil de la salle du sous-sol où était projeté le film Stormy Monday. Mais, pour les policiers, il ne fait aucun doute que le cinéma a été l'objet d'un incendie criminel parce qu'il projette, dans une autre salle, le film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ. Et d'ailleurs, les spectateurs du film de Scorsese sont fouillés par des employés, ce qui n'est pas le cas de ceux de l'autre salle. Nous avions pris des mesures de sécurité qui étaient très renforcées. Nous étions 5 à l'entrée à fouiller les personnes entièrement, des pieds à la tête. On prenait les petites bombes lacrymogènes, canifs, etc. Quoi. On prenait tout ustensile qui pouvait faire des dégâts. Alors comment ils ont pu réussir à entrer avec des produits incendiaires ? Je pense qu'ils ont dû passer par la sortie de secours. Et c'est des clients qui sont rentrés et qui ont ouvert la porte de secours à d'autres qui ont fait ça. Je pense que c'est un petit peu d'essence et puis un petit coup de briquet et ça flambe tout de suite. Il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de siège. C'est fini, quoi. À la même époque, un jet de grenade lacrymogène dans une salle où l'on projette une affaire de femme de Claude Chabrol provoque la mort d'un homme. Jack Lang s'insurge. Les politiques, les citoyens, tout le monde se dit choqué par cette intolérance. Après cet attentat, le film ne passe plus que dans une salle, une seule salle, sur les Champs-Élysées. 6 personnes encore hospitalisées après l'incendie hier soir du cinéma Saint-Michel au quartier latin à Paris. Une salle où l'on projetait le film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ. L'origine de l'incendie n'a pas encore été établie, mais il pourrait s'agir d'un attentat, car le directeur de la salle avait reçu une lettre de menace lui demandant de retirer le film de l'affiche. Cet incendie criminel suscite de nombreuses réactions. « Il faut faire gagner la liberté contre l'intolérance », déclare Jack Lang. Le ministre de la Culture s'est rendu sur place à la mi-journée. Indignation de Laurent Fabius face à la montée de la haine. Indignation de Georges Marchais et des communistes qui appellent à manifester demain tout comme les socialistes devant le cinéma du quartier latin. Jean-Christophe Martin a demandé aux spectateurs ce qu'ils pensaient de l'attentat d'hier. On vit dans un pays démocratique et je trouve que c'est absolument inadmissible qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent. Et on veut voir ce qu'on veut, on a envie de voir, de lire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut aussi. On a le droit ici, on est dans un pays libre. Il n'y en a plus beaucoup aussi. Alors il y a ce dernier cinéma, ce sera peut-être un jour le dernier pays libre, mais... ce sera nous. Je vois qu'on fouille à l'entrée, là, alors ça me rassure. Ah ben moi, ça m'inciterait plutôt à venir, parce que je vois pas pourquoi on censurerait un film, surtout sous la menace. Vous n'avez pas peur ? Moi, non, pas particulièrement. Après tout, on est libre de voir ou de ne pas voir ce film. Moi, j'ai l'intention de le voir, et justement parce que certaines personnes veulent m'empêcher de le voir, j'ai envie de le voir. Et Monseigneur Lustiger, le plus haut placé dans la hiérarchie catholique en France, un homme, répétons-le, qui n'a jamais eu d'inclinaison naturelle pour l'intolérance, se désolidarise effectivement des actions des commandos religieux. Mon message à moi, c'est de dire appel à la raison, appel à la tolérance, appel au respect. Si nous avons protesté contre l'idée de ce film, c'était précisément pour, par avance, prendre date par rapport à la violence que notre société déchaîne. Je pense que, pour une part, c'est notre société française qui est en état de danger. Si l'on veut qu'une société demeure civilisée, tous doivent s'efforcer de respecter ce qui est digne de respect. Chargée de l'enquête, la brigade criminelle de la police judiciaire explore les pistes fournies par les renseignements généraux sur l'origine des commandos qui participent aux actions contre le film de Scorsese. Et un mouvement se distingue particulièrement, le mouvement royaliste, la Restauration nationale, il s'appelle ce mouvement. Il était déjà à l'origine de plusieurs actions et occupations, comme celle des locaux de l'hebdomadaire Politis, qui a fait sa une sur la dernière tentation du Christ. Mais aussi, d'autres mouvements existent et agissent, comme l'AGRIF, association de catholiques traditionnalistes, proches des milieux d'extrême droite, ils sont de la partie. Mais le sursaut citoyen arrive. Après l'incendie du cinéma, les partis politiques de gauche et tous les démocrates organisent une manifestation. 1500 personnes défilent pour les libertés et contre les extrémismes religieux au cri de « non à l'inquisition, non à l'intolérance ». Ils sont près d'un millier ce soir à crier ces slogans, ici, devant le cinéma Saint-Michel. Du Parti communiste à la Fédération de Paris, du Parti socialiste, en passant par la FEN, le SNES, l'UNFID, ce sont toutes les organisations de gauche, ou presque, qui ont appelé à cette manifestation. Bien sûr, ils réclament justice pour les spectateurs blessés et dédommagement pour les exploitants de la salle, mais les fins politiques ne sont pas pour autant absentes. Et certains, comme Max Gallo ou Jean-Marie Le Guen, de s'interroger sur la signification du silence du maire de Paris, Jacques Chirac, sur cette affaire. Les manifestants applaudissent poliment, sans plus, car pour eux c'est avant tout une protestation contre l'intolérance qu'ils souhaitent exprimer. Et logiquement, ils refusent pour l'instant de suivre ceux qui enjoignent le cortège à se diriger vers Saint-Nicolas-du-Chardonnay, le fief des chrétiens traditionnalistes du Père Laguérie. Affaire sensible, Fabrice Drouel. L'incendie du cinéma Saint-Michel à Paris en septembre 1988, François-Guillaume Laurin, écrivain, journaliste, critique de cinéma au Point, est notre invité, il est de surcroît historien. Il nous apportera dans quelques minutes un regard sur cette affaire très sensible. L'enquête continue et elle avance. Thomas Lagourgue, 25 ans, sans emploi, reconnaît avoir posé la bombe incendiaire au cinéma Le Saint-Michel. Il est aussitôt placé sous mandat de dépôt par le juge Jean-Louis Mazière. Très vite, un autre inculpé, Emmanuel Dousseau, écroué et qui encourt une peine de 10 à 20 ans de prison, est considéré comme l'organisateur. Il aurait recruté une troisième personne, l'aspirant Éric Leroux, qui aurait reconnu avoir participé à l'attentat en compagnie de Lagourgue. Il existe une mouvance catholique très déterminée et qui, autour de Romain Marie, député européen du Front National, anime deux associations. L'AGRIF, Alliance Générale contre le Racisme et pour l'Identité Française, mouvement qui souhaite défendre des valeurs françaises et chrétiennes. L'autre mouvement, c'est Chrétienté Solidarité, importante organisation qui organise notamment chaque année un pèlerinage très suivi à Chartres. Cette organisation était proche de Mgr Lefebvre, mais ne l'a pas suivi dans le schisme. C'est ici l'essentiel. Car les informations hier ont été très incomplètes, volontairement ou non. Les deux inculpés, en effet, s'étaient séparés de Romain Marie avant d'être exclus du mouvement. Voici, d'après mes informations, environ 3 semaines. Certes, les deux jeunes gens étaient dans cette mouvance, mais on souhaite peut-être aussi pour l'occasion régler un compte avec Romain Marie, bien trop avisé pour avoir seulement envisagé un incendie criminel, quels que soient ses griefs, pour ce qu'il estime être depuis longtemps des provocations anticatholiques. Si l'enquête policière est terminée, les incendiaires arrêtés et inculpés, la polémique rebondit autour des milieux intégristes proches de l'extrême droite. Et là, on découvre un drôle d'endroit. Le centre Charlier, créé par Romain Marie, député européen du Front National, qui serait impliqué dans l'organisation de l'attentat contre le cinéma Saint-Michel. Alors, quelle autorité morale et politique a réellement armé le bras des inculpés? Qui l'a incité à passer à l'action? Qui est responsable? Depuis le début de la cabale contre le film La dernière tentation du Christ, des liens étroits entre catholiques intégristes et extrême droite intriguent les enquêteurs et tous les observateurs. Une note saisie au domicile de l'un des pyromanes fait référence au centre Charlier réputé pour propager des idées intégristes dont le président est bien Bernard Anthony, même si celui-ci crie à la diffamation. La polémique continue autour du film de Scorsese et de l'incendie du cinéma Saint-Michel à Paris et la piste semble bien remonter à certains milieux d'extrême droite et d'intégristes, du moins si l'on en croit les affirmations du journal du dimanche qui a fait état hier d'une note donnant pour consigne aux manifestants de rendre compte de leurs actions en téléphonant au centre Charlier. Il s'agit d'une association intégriste dirigée par Bernard Anthony, qui se fait appeler aussi Romain Marie. Romain Marie a d'ailleurs donné une conférence de presse tout à l'heure pour nier toute responsabilité directe dans l'incendie du cinéma. Dire que je suis un homme de l'ombre a quelque chose d'extravagant. J'ai réagi contre le film de Martin Scorsese pour les raisons qui le font par exemple interdire par l'État d'Israël qui s'honore de cette interdiction. Alors comment on en est arrivé là? C'est que à la suite de protestations, il peut y avoir des gens exaspérés ou manipulés. Je n'en sais rien. Il appartient au juge d'instruction de dire cela. Il peut y avoir des extrémités que je réprouve tout à fait, je viens de le dire. Mais ce qui était profondément regrettable, c'est que ce film puisse être projeté sur les écrans, constituant ce que le tribunal de Paris avait considéré comme une injure grave faite aux chrétiens de ce pays. Le 20 mars 1990, devant la 10e chambre correctionnelle de Paris, se tient le procès des soldats perdus de l'extrême droite qui, en octobre 88, chauffés par les flammes de la guerre sainte, avaient mis le feu au cinéma Saint-Michel où était projetée La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Et l'on ne doit finalement qu'à un heureux hasard qu'il n'y ait pas eu de mort. Enfin tout de même, 13 blessés, dont 3 grièvement et un autre asphyxié qui restera 3 jours dans le coma. Le 3 avril, le parquet fait appel du jugement et condamne les 5 intégristes à des peines avec sursis s'échelonnant entre 15 mois et 3 ans de prison. Le 1er octobre 1990, 2 ans après les faits, la 10e chambre de la Cour d'appel de Paris confirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel condamnant les 5 accusés à des peines de prison avec sursis. Alors dans la presse, on estime que le jugement est d'une grande mansuétude. L'Humanité, par exemple, constate amer que mettre le feu à un cinéma et blesser 13 personnes pour interdire la diffusion d'un film est au bout du compte un péché véniel. Quand une société se permet de telles agressions contre ce qui est sacré au cœur de l'homme, elle déclenche des mécanismes aveugles, répond le camp catholique. Faut-il rappeler que Mgr Lustiger a condamné la dernière tentation du Christ alors que de son propre aveu, il ne l'avait jamais vu? Mais ce n'est pas tout. Ce film n'a jamais été diffusé sur aucune chaîne publique de ce pays laïque. Si quelques organes de presse se sont décidés à protester contre l'atteinte à la liberté d'expression, très peu prennent la défense du film lui-même, comme s'il fallait respecter les convictions des gens qui hurlent sans l'avoir vu, comme si Scorsese s'était condamné lui-même en prenant le risque insensé de dépeindre Jésus succombant à la tentation sexuelle. Ce qui est refusé ici, ce qui dérange, c'est l'humanité du Christ, son incarnation, la complexité intérieure de l'homme face à ses démons intimes. Une thèse inadmissible pour les dogmatiques et les intégristes. La France est le seul pays d'Europe où votre film ait suscité tellement d'indignation et même de la violence. Est-ce que vous en êtes surpris? Well, I must say that, ça veut dire, myself and everyone concerned with making the film. Tous ceux qui ont participé à la réalisation du film sont choqués de cette réaction. Nous sommes en fait très attristés parce qu'après tout, je ne sais pas si Lustiger a vu le film ou lu le livre, mais c'est un film qui, loin d'être blasphématoire, c'est un film qui défend au contraire les valeurs religieuses. Et au contraire, c'est un film qui assure une véritable promotion de l'amour de Jésus. Enfin, c'est notre sentiment au sujet de ce film. Enfin, ça ne m'étonne pas par ailleurs de voir que ceux qui n'ont pas vu le film réagissent de la sorte. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe également aux États-Unis. Et c'est un malentendu épouvantable. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Vous écoutez Affaires Sensibles, notre invité aujourd'hui François-Guillaume Lorrain, écrivain, journaliste, critique de cinéma au Point. Bonjour. Bonjour. Alors avant de reparler de la polémique, tiens, parlons du film en lui-même. Quelle est sa valeur réelle artistique pour vous ? Pour moi, c'est un bon film de Scorsese. C'est un film très lyrique. En fait, il commence une période où il va, après avec Les Affranchis, après Les Nerfs à Vif, aller dans un cinéma traversé comme ça de scènes, d'éclats, comme ça, de visions très assez violentes. Je pense que c'est dû aussi au fait que pour lui, faire ce film a été un chemin de croix. En fait, il commençait à l'écrire. Il l'avait fini en 82. Hein. Il tourne en 88. Pendant 5-6 ans, comme vous l'avez rappelé, il ne peut pas le tourner. Et quand vous ne pouvez pas, il est frustré, en plus ça fait déjà avant 10 ans qu'il veut faire ce film, vous avez voilà cette frustration qui sort, qui se défoule, et c'est un film donc très chargé, assez violent en effet, mais qui a tout à fait sa place dans les bons films de Scorsese, pour la thématique comme pour la forme. Alors, c'est pas le film le plus petit évangélique qui soit, hein. Pourquoi a-t-il fait monter contre lui tous ces intégrismes, les protestants, les catholiques, l'extrême droite? Je pense qu'il faut replacer le contexte des années 80. Il y a d'abord le problème aux États-Unis, hein, où il ne peut pas tourner le film d'abord à Hollywood. On est dans les années Reagan, on est dans l'essor révolution conservatrice. Voilà, l'essor du créationnisme, des fondamentalismes. Et d'une certaine manière, c'est la première fois qu'il y a une affaire qui bascule d'un continent à l'autre. Et avant les années Internet, c'est très étrange. Finalement, ça circule très très bien d'un continent à l'autre, avec en effet cette intervention de Lang qui recule. Hein. Au début, Lang, il brandit la loi de 1905, de la séparation la loi et l'État. Il dit, en 85, quand il se fait contacter par Lustiger, par Di Falco, il dit, ah non, moi je veux pas me mêler de ça, on sait pas, on sépare les deux choses. Mais il recule à la fin. Ça on l'a pas assez souligné, mais ce recul, cette reculade, va permettre ensuite aux forces intégristes. Il ouvre une brèche en fait. Voilà, de se dire bah on a gagné une fois, deux ans avant. Bien sûr. On va encore aller plus loin maintenant que le film est sur les écrans. Donc il y a le contexte américain, mais un contexte français qui est aussi chargé, aussi tendu, aussi violent. Qu'est-ce qu'il y a dans les années 80 à ce moment-là? C'est simplement, on est au sommet du paroxysme de la lutte entre Monseigneur Lefebvre et Jean-Paul II. Tous ces gens-là, on a cité Saint-Nicolas du Chardonnay. Monseigneur Lefebvre, chef de file des intégristes. Chef de file des intégristes, qui depuis les années 70, qui avait commencé à ordonner les prêtres, qui avait refusé l'esprit de Vatican II, la liturgie, enfin tout cela, et qui durcit sa position à partir de 1986. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois avant la sortie du film, en mai 88, il ordonne des évêques. Et des évêques qui sont, dès le lendemain, on est en fin mai 88, 1er juin 88, excommuniés comme Monseigneur Lefebvre. Donc on est en plein, en fait, cette tension entre cette stratégie de la rupture, en fait, de ces catholiques. Voilà, et là il y a du grain à moudre avec la tentation du Christ, effectivement. On va écouter ensemble ce qu'en disait Martin Scorsese lui-même, et puis on revient après à la conversation, bien sûr. Il était l'invité du journal de France 2 le 28 septembre 1988, le jour de l'incendie du cinéma Saint-Michel. Alors si l'on vous dit que, d'une certaine manière, vous servez d'alibi à une reconquête, ou une tentative de reconquête de l'opinion française autour des valeurs chrétiennes, est-ce que vous en êtes content ou plutôt déçu ? En tant qu'auteur de cinéma. Non, je ne suis pas vraiment déçu en tant que réalisateur. C'est un film que je devais faire. C'est un film fait à petit budget. Ce n'est pas un film destiné à faire des gros bénéfices. C'est un film qui ne me déçoit pas du tout. Dans son ambition, il s'agit ici d'avoir la passion nécessaire à faire ce film et ouvrir les yeux à un certain nombre de gens, faire découvrir des concepts sur la divinité, la nature duale, divinité-humanité de l'homme qu'était Jésus. C'est une discussion, un débat qui existe depuis 2000 ans d'ailleurs, et c'est quelque chose qui doit être à nouveau repensé, et c'est pour ouvrir un débat sain sur la question. François-Guillaume Lorrain, vous l'avez dit, vous avez apporté cet éclairage très intéressant. On est encore dans une guerre, on est même au fait d'une guerre, hein, enfin d'un conflit, on va dire, entre l'Église catholique traditionnelle et puis sa frange de droite, les intégristes, Monseigneur Lefebvre. Et là, avec ce film-là, effectivement, il y a du grain à moudre. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent cette espèce d'engouement et de folie? Entre 85 et 88, il y a eu par exemple la manifestation réussie contre la loi de Vatican, qui a montré aussi que la mobilisation payait. Ensuite, on est quelques mois après l'élection présidentielle où le Front National a réalisé un très bon score. Donc on est dans un contexte rassurant, confiant pour ces marges des catholiques qui, comme vous l'avez montré, ont de multiples réseaux. C'est une nébuleuse. Ces gens-là, la griffe, Radio Courtoisie, enfin tous ces gens-là qui... Il y a des relais médiatiques. Voilà, des relais médiatiques publics, qui sont importants. Et donc on est, je dirais pas qu'ils sont en position de force, mais ils sont en position de confiance. Et ils sont prêts à mener presque le dernier combat. Hein, contre la dernière tentation, il y a une sorte de dernier combat qui se met en place dans un contexte où finalement en face, c'est assez mou. Vous avez rappelé le nombre de manifestants après les attentats, 1500. C'est très très peu. Et on dit qu'il y a la réunion des forces de gauche. 1500. Moi, je suis absolument sidéré par le faible nombre. Donc il y a quand même une sorte de brèche, de boulevard là qui se met en place à l'automne 88. Est-ce que ça pourrait arriver aujourd'hui? Alors l'intolérance religieuse, elle a encore frappé beaucoup de fois, mais principalement dernièrement de la part des musulmans contre par exemple Charlie Hebdo pour l'affaire des caricatures. Hein, donc, oui. On est musulman d'un côté, catholique, mais on est quand même dans la même démarche. C'est la démarche de l'intolérance religieuse. Est-ce que cette intolérance religieuse catholique, elle peut s'exprimer encore une fois comme ça aujourd'hui? Est-ce que ça vous paraît envisageable? Oui, mais avant, je voudrais revenir sur le résultat de l'action. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoqué, c'est le nombre de spectateurs qui ont vu le film de Scorsese. Oui. Quand vous regardez les chiffres, Scorsese avait fait, en attendant de pouvoir tourner La Dernière Tentation, deux films, After Hours et La Couleur d'Argent, qui avait fait plus d'un million de spectateurs. Oui. Vous pouvez imaginer qu'en 88, avec tout le scandale qui entoure la sortie, les gens vont aller voir le film. Or, vous voyez que c'est le plus faible score de Scorsese, à part La Valse des Pantins, qui est un échec industriel, mais qui était déjà un échec industriel aux États-Unis. Donc, ça a quand même payé. Et on a une faible aussi nombre de salles qui ont diffusé. Donc, aussi du côté des exploitants de la distribution, on a reculé, on a eu peur. C'est une défaite. Hein. C'est vraiment une défaite de la création artistique. Oui, c'est une défaite et de tous les acteurs, en fait, du cinéma. Et aussi un peu de la politique. Et d'ailleurs, avec, à la fin, une dernière défaite, qui est la défaite judiciaire. Parce que, comme vous l'avez rappelé... Que des sourcils. Que des sourcils. Mmh. Donc, on est quand même très... Alors, pour répondre à votre question sur aujourd'hui, imaginons, par exemple, qu'un cinéaste français fait quelque chose qui chagrine, vexe, offense les manifestants contre le mariage pour tous. Qu'il fasse un sujet très dur là-dessus, en plein cœur de cible. Je pense qu'on aurait exactement les mêmes manifestations, vu le contexte, vu ce qui s'est passé au début de l'année. Donc, on peut imaginer aussi que un film qui offense la foi islamique peut également générer cela. Après, donc, c'est une histoire qui peut très très bien se recommencer parce que il suffit d'avoir les mêmes ingrédients, les mêmes facteurs, et il y a toujours des gens qui estimeront qu'il y a des sujets intouchables. La liberté, oui, on vit dans une liberté pour tous et pour tout, sauf évidemment quelques exceptions. Alors rapidement, il y a eu un mal fou quand même. Il a trouvé de l'argent, Martin Scorsese, mais où et qu'est-ce qu'il a trouvé finalement? C'était compliqué. Oui, alors j'ai cherché pour l'émission, parce que à un moment, donc il s'est tourné vers la France, il doit tourner le film en Israël, le film est arrêté 15 jours avant le début du tournage par la Paramount, qui elle aussi cède, hein, en 1983, donc 5 ans avant. Donc il s'adresse à la France, il va le tourner finalement au Maroc, il n'a pas d'argent français public, mais peut-être que la France a demandé au Maroc, où on sait que les liens sont assez forts entre la France et le Maroc, d'aider en tout cas au niveau du tournage. Et d'ailleurs c'est vrai, Scorsese rappelle, c'est un film commando hein, qui tourne en 6 semaines, c'est un très petit budget. Donc il a eu quand même des contraintes financières, mais sa productrice habituelle, c'est quand même débrouillé, mais on n'arrive pas à savoir, moi je n'ai pas trouvé, qui véritablement produit le film, qui a donné de l'argent. Donc il y a aussi peut-être là de la méfiance, de la prudence à cette époque. Le saura-t-on un jour? Bon, écoutez, la musique n'était pas interdite, Dieu merci, et voilà ce qu'on pouvait écouter cette année-là, en 1988, La Mano Negra, Mala Vida. Corazón. François-Guillaume Laurent, si l'on scrute l'œuvre de Scorsese, et souvent ses héros sont des personnages christiques, enfin, je veux dire, symboliquement, c'est pas Jésus-Christ, mais ils ont quelque chose de christique, il y a comme un fil comme ça dans l'œuvre de Scorsese. Ah oui, en fait, Scorsese fait la dernière tentation du Christ, mais il l'a fait d'une certaine manière 5-6 fois avant. Raging Bull, le grand film sur la boxe avec De Niro, c'est un Christ boxeur. Même Taxi Driver, c'est une figure christique, d'ailleurs écrit par le même Paul Schrader, hein, qui avait fait la dernière tentation du Christ en scénariste. Nicolas Cage à Tombeau ouvert, c'est un infirmier brancardier qui a voilà cette compassion pour tout le monde, qui est une sorte de crise dans les nuits de New York. Il y a chez lui de façon chez Scorsese qui voulait devenir séminariste, qui servait la messe. Il y a cette idée de l'homme forcément coupable. Être catholique, dit-il, c'est être coupable et frustré. Et donc le Christ, il le voit à cette aune-là et il le ramène en fait à l'aune de ce qu'il est lui, un homme. Et il y a cette idée dans le film constamment, c'est cette mission que lui donne Dieu au Christ et dont il ne sait que faire, et c'est cette idée d'une rédemption possible aussi à travers les souffrances, à travers la peine, les tourments. Donc en fait, il n'y a pas plus scorsésien que La dernière tentation du Christ. C'est le film un peu phare, et donc on ne peut que saluer quand même sa bonne foi. Alors justement, très bien, la transition est tout trouvée, et sans jeu de mots, des hommes de foi, des chefs catholiques comme Monseigneur de Courtrai, qui était le cardinal de Lyon, archevêque de Lyon, je crois, et le cardinal Lustiger, étaient des gens qui avaient vraiment une hauteur de vue. C'était des gens extrêmement intelligents, qui étaient tolérants. Ils se sont fait coincer, ils se sont fait piéger avec cette affaire-là. Hein. Oui, parce qu'ils ont commencé en fait par une position qu'on pourrait appeler pastorale, c'est-à-dire on donne son avis, on condamne, mais et on n'interdit pas. C'est la séparation entre la condamnation et l'interdiction. Sauf qu'on voit bien qu'en fait, d'ailleurs, ça commence en 85. Hein, c'est ça qui est très curieux. C'est une affaire à plusieurs vitesses et à rebondissements. C'est que finalement, quand elle redémarre en 88, le contexte politique, comme on en a parlé, a changé, s'est durci. Et donc, ils sont débordés en fait par une autre frange. Et je crois que d'une certaine manière, ils se sont fait un peu piéger. Et d'ailleurs, Lustiger à l'habileté, l'intelligence de faire d'une certaine marche arrière et de condamner, évidemment, les actes de violence. Alors, ce film, La dernière tentation du Christ, de Martin Scorsese, a reçu, il faut le dire, quand même des récompenses. Alors, pas énormément, mais il l'a reçu. Pas énormément, pas à Venise, mais en tout cas aux États-Unis quand il est sorti. Ce qui était une manière aussi de saluer, dans le milieu du cinéma américain, le courage, l'obstination de Scorsese. Voilà, simplement, c'est un film où il n'a pas gagné d'argent non plus. C'est un film qui reste quand même toujours chez lui une sorte d'épine, véritablement. Pas simplement à cause de la France, hein, mais pour toutes ces histoires. Il l'a traîné comme un boulet. Toutes ces années 80 ont été plombées par ce film. Quelle place tient Martin Scorsese dans le cinéma américain, selon vous? Bon, une place majeure, c'est clair, hein, c'est l'un des grands, quoi. Mais quelle place il tient? Scorsese, c'est quelqu'un qui incarne, bon, au départ, ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, hein, ces auteurs qui font dans leur coin, contre les majors, en dehors des majors, leur film, qui c'est vraiment l'auteur à proprement parler, on en a parlé, cette sorte de thématique qui se poursuit et qu'il va arriver à maintenir à travers différentes formes de films et malgré des budgets de plus en plus importants. C'est-à-dire que là, il avait 7 millions de dollars pour faire La dernière tentation du Christ, il en aura 30, 40 fois plus 15 ans plus tard. Et il arrive tout de même, avec son amour fou du cinéma et son amour fou pour le vieux cinéma, mais aussi pour tourner, à se renouveler et à trouver dans des sujets qu'il pêche ailleurs, quelque chose de très personnel. Donc c'est pas un cinéaste de chapelle, hein, sans mauvais jeu de mots, il est indépendant, il est libre. Voilà. Merci beaucoup François-Guillaume Laurent pour Merci. Les éclairages que vous nous avez apportés. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.